gratuit de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Les Sharks et les Jets, leurs combats, leurs danses, leurs rythmes et leurs chants. Maria, Maria, America, Tonight et I Feel Pretty ont fait sur grand écran plusieurs fois le tour du monde. Mais avant d'être un film récompensé par 10 Oscars en 1962, West Side Story fut d'abord et avant tout une comédie musicale créée en septembre 1957 au Winter Garden Theater de Broadway où elle triompha plus de 700 fois avant sa première tournée. La musique de Leonard Bernstein, la chorégraphie de Jerome Robbins, les paroles de Stephen Sondheim et la dimension sociale du livret de Arthur Lawrence donnaient à cette transposition de Roméo et Juliette dans le Upper West Side du Manhattan des années 50 un caractère de modernité qui allait marquer un tournant dans l'histoire de la comédie musicale. 24 ans après sa création, dans le Lyriscope de France Culture, Jean-Louis Cavalier proposait un éclairage de West Side Story sous ses différents angles, une analyse de ce qui avait fait de cette comédie musicale un succès et un événement. West Side Story. D'après une idée de Jerome Robbins, livret d'Arthur Lawrence, musique de Leonard Bernstein, lyrique de Stephen Sondheim. Créé en 1957 à Broadway, porté à l'écran en 1961, la pièce devient le fameux film aux nombreux Oscars. Et c'est cette version de West Side Story que le grand public européen connaît. En ce moment à Paris, c'est dans sa version originale de 1957 que la pièce est mise en scène au Théâtre du Châtelet. Dans la tradition de la comédie musicale américaine, cette pièce, cependant, rompt avec le genre. Peut-être à cause de son sujet, racisme et délinquance juvénile, mais sûrement à cause de la personnalité même du compositeur Leonard Bernstein. Pamela Tytle, avant de présenter quelques aspects du livret de West Side Story, on pourrait s'arrêter un instant sur la personnalité de Leonard Bernstein, ou Bernstein. Et à dire son nom, on évoque déjà un problème sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Alors justement, on peut dire d'abord, aux États-Unis, on dit Leonard Bernstein, parce qu'il est d'origine russe et non pas d'origine allemande. Mais en France, on dit Leonard Bernstein, donc je suis sûr que je vais finir par dire les deux. Mais effectivement, c'est un compositeur, un pianiste, un conférencier et surtout chef d'orchestre. Surtout chef d'orchestre avant autre chose aux États-Unis. Il est né dans le Massachusetts en 1918, dans une famille d'immigrants russes d'origine juive, très pratiquant. Et son père, Samuel Bernstein, tenait à Boston un commerce de produits de beauté et il voulait prendre son fils avec lui. Alors, dès l'âge de 13 ans, Leonard Bernstein a décidé qu'il voulait faire de la musique. Il avait fait pas mal de suivre des leçons de piano. Et il a surtout joué tout de suite dans un orchestre de jazz. Donc, déjà, c'est quelque chose qu'on ressent dans toute sa musique par la suite. Ensuite, à 17 ans, il est entré à Harvard. Il a étudié la composition. Par la suite, il a fait des études de chef d'orchestre, dont tout ce qu'il y a de plus puritain, de plus américain, de plus près de l'éthique protestante aux États-Unis. Et puis, aux alentours des années 40, il était chef d'orchestre assistant à Bruno Walter. Et Bruno Walter est tombé malade et Bernstein l'a remplacé un jour au pied levé. Et depuis ce moment-là, donc, c'était un chef d'orchestre confirmé et il a dirigé des orchestres dans tous les pays du monde. Alors, justement, ses activités de chef d'orchestre ne lui ont pas laissé beaucoup de temps pour composer ce qui était son premier amour. Et il aimait beaucoup composer, surtout pour piano et orchestre. Il a composé pas mal de choses, surtout Seven Anniversaries, qui est une suite pour piano, dont chacun des morceaux veut représenter des portraits musicaux de quelqu'un, membre de la famille ou des amis. Mais surtout, en 1939, il a tracé des esquisses d'une œuvre pour mezzo et pour orchestre, et les paroles sont tirées des Lamentations de Jérémie. Et c'était quelque chose qu'il avait dédié à son père. Ça revêt un caractère de musique liturgique juive par l'atmosphère de désolation, par les changements de rythme, par le même genre de rythme qu'on trouve dans la musique du rite oriental sephardique. Et ça, c'était vraiment quelque chose, un texte biblique, une source d'inspiration à laquelle il était très très sensible. Il a dédié ça à son père et c'était pour retrouver la foi. Donc c'est quelqu'un qui est toujours très pratiquante. C'est quelqu'un qui se situe à gauche, comme la plupart des fils première génération d'origine juive venus de l'Europe centrale. Et il est très marqué à gauche à cause de ses origines, à cause de la façon dont il a été éduqué aux États-Unis. Et je crois que c'est quelque chose à signaler en ce qui concerne West Side Story. C'est quelqu'un qui a écrit pour le cinéma aussi. Oui, alors justement, à part donc la composition, à part ses activités de chef d'orchestre, il a été toujours attiré par le théâtre et il a commencé en 1944 avec Robbins. Et Robbins, c'est la même personne qui a fait donc la chorégraphie pour West Side Story. Quelqu'un de gauche aussi. Quelqu'un de gauche aussi, tout comme Elie Kazan, avec qui ils ont travaillé sur un film ensemble, parce que Leonard Bernstein a fait la musique pour On the Quay, enfin sur le On the Waterfront, sur les quais. C'était le film avec Marlon Brando. Et justement, ça se situe sur le côté ouest, the West Side de New York. Donc, ensemble, The Robbins, qui était influencé par Kazan dès les années 40, ils avaient fait un ballet qui s'appelle Fancy Free. Et après, ils ont ajouté quelques chansons de plus. Et c'est devenu On the Town, qui était une comédie musicale à succès. C'était leur premier, donc, le premier comédie musicale qui a vraiment eu beaucoup de succès sur Broadway. C'était dès le début des années 50. 10 ans après la composition de On the Town, ils s'étaient déjà assis à plusieurs reprises dans la musique de ballet et de théâtre. Ils ont fait Candide ensemble, c'est-à-dire la mise en scène de ce roman de Voltaire. Et ils ont décidé donc de faire quelque chose sur le West Side de New York, West Side Story. Alors, Bernstein a cherché quelqu'un pour le livrer. il a trouvé un jeune qui travaille à la télévision, qui s'appelle Stephen Sondheim, qui par la suite a écrit les lyriques, les paroles pour Gypsy et pour pas mal de comédies musicales, qui est devenu un grand auteur à succès. Et donc, ils ont fait ensemble West Side Story, qui est vraiment très empreinte de Elie Kazan. Suite symphonique pour la musique du film d'Elia Kazan, Sur les quais. Est-ce qu'il voulait continuer la tradition de la comédie musicale? C'est-à-dire que, d'abord, je crois qu'on pourrait dire qu'il a écrit plusieurs livres, Leonard Bernstein. Il y a un qui s'appelle « Le joie de la musique » et il y a plein de conversations imaginaires. Il fabrique des conversations avec des gens. Et il y a une conversation là-dedans, c'était un livre qui était publié pendant les années 50. Il y a une conversation, il a imaginé qu'un producteur de Broadway lui a demandé un ouvrage destiné à la scène et il lui fait dire à peu près ceci, pourquoi est-ce que je devrais continuer à écrire des symphonies en Amérique pour un public qui ne s'y intéresse pas? Pouvez-vous me citer deux ou trois personnes dans l'Amérique tout entière à qui il importe que vous ou quelqu'un d'autre compose ou non une symphonie? Plus vous considérez la question, plus vous comprendrez que personne, à l'exception des compositeurs et des critiques qui gagnent leur vie en condamnant ou en louant les œuvres nouvelles, personne ne sera déçu si vous ou vos collègues n'écrivez plus jamais une symphonie. Alors pourquoi ne pas vous consacrer à ce secteur de l'art musical américain où coule un sang chaud, vivant et jeune, le théâtre? Et puis il poursuit, là vous trouverez le public qui vous attend et vous répondrez aux exigences de l'histoire. Nos compatriotes ont une obligation envers le théâtre qui est vivant et qui a besoin d'eux. Ne pourriez-vous pas considérer la question à nouveau? Donc c'était la conversation imaginaire qui a justifié qu'il laisse tomber sa symphonie qu'il n'a pas encore écrite et qui se consacre entièrement au théâtre. Mais en se consacrant au théâtre et à la comédie musicale, il était bien entendu avec son éducation classique en ce qui concerne la musique, sa formation classique, était plus attiré vers l'opéra. D'ailleurs, il travaille toujours sur un opéra en ce moment. Vous faites allusion à l'opéra. Il semble, et je dis par rapport à la comédie musicale, traditionnelle américaine, ce qui est parlé, ce qui est chanté semble bien distinct dans la comédie musicale, alors qu'ici tout est parfaitement intégré. Oui, alors justement, là où ça casse avec la comédie musicale, c'est que Bernstein dit lui-même que son problème c'était de trouver le juste milieu entre l'opéra et Broadway, entre le réalisme et la poésie, entre le ballet et la danse, et entre l'abstraction et la représentation. Il dit ça dans son autobiographie. Mais là où on voit vraiment la cassure avec la comédie musicale, c'est que d'abord, la partition est deux fois plus longue que n'importe quelle pièce sur Broadway. Et vraiment, il y a trois scènes dans les comédies musicales et puis on construit autour. Et dans West Side Story, la partition ne sépare plus arbitrairement, comme c'est le cas dans la comédie musicale, les dialogues et des ballets et des chansons. Ce qu'on trouve dans West Side Story, c'est que la chorégraphie ne reprend plus momentanément le relève de l'action, mais ce qu'on voit, c'est que ça la sous-tend constamment. Elle est l'action elle-même. Oui, c'est ça. Et c'est, en même temps, c'est un moment de poésie. La qualité visuelle correspond à la beauté de la musique et il faut vraiment non seulement écouter, mais voir ce qui se passe. Alors, le thème de West Side, c'est Roméo et Juliette. Alors, l'histoire, c'est une transposition de Roméo et Juliette dans un quartier de New York. À la place de Verona, il y a Manhattan. Les Capulet et les Montagu sont les deux gangs, les deux clans, les Jets et les Sharks. Alors les Jets, c'est un clan blanc. Les Sharks ou les Requins, c'est un clan de Porto Ricains. Et les uns et les autres sont les blousons noirs. Ils sont prêts à toutes les violences pour manifester leur haine mutuelle et pour séparer le garçon américain Tony et la jeune fille portoricaine Maria, qui sont unis par un amour très profond, très simple. Enfin, c'est vraiment Roméo et Juliette dans les bars quartiers de New York. Alors Roméo, c'est Tony, c'est un jeune New-Yorkais qui ne veut plus mener son clan d'adolescent. Il est trop grand maintenant, il veut commencer à travailler, il veut travailler dans le drugstore, c'est vraiment le jeune garçon idéal. Et il est devenu trop grand maintenant, donc il n'est plus attiré par ces choses d'adolescent. Juliette, c'est Maria. D'ailleurs, c'était Carole Lawrence qui l'a joué sur Broadway. Elle est devenue une vedette de cinéma par la suite. C'est une jeune portoricaine qui vient d'arriver à New York. Entre les deux, donc Roméo et Juliette, il y a la scène du balcon qui se passe dans les escaliers de pompiers, le fire escape dans un immeuble du ghetto. Alors, Mercutio, c'est Riff. C'est le leader du clan de Tony, des Jets. Mercutio, donc Riff, mène ce clan qui déteste les portoricains. C'est un clan de blancs. Tybalt, c'est Bernardo. C'est le frère de Maria qui est leader de l'autre clan, c'est-à-dire les requins, les sharks. Donc, on a un mélange de légendes italiennes, de la violence moderne. Et il y a beaucoup de parallèles qui se créent vraiment autour de cette situation contemporaine qui est assez alarmante. Donc, ici, il y a les portoricains qui sont quand même les citoyens américains, contre les Américains de première génération, et on retrouve la même haine, la vengeance, la violence chez les Capulet et les Montagu, et chez les Américains de première génération, et les portoricains qui sont les citoyens américains. Et chez les amants, Roméo et Juliette, on a la même beauté, le même désespoir. The only thing I see forever, in my eyes, in my words, and in everything I do, nothing is but you ever. And there's nothing for me but Maria. Every sight that I see is Maria. You, every thought I'll ever know, everywhere I go, you'll be. For me to live in, no better than. And what was just a word is a star. Stay, go quickly. I'm not afraid. They are strict with me, please. I love you. Good night, good night. Sleep well, and when you dream, dream of me. L'Amérique, c'est un pays d'immigrants. Pendant très longtemps, être américain relevait simplement de la géographie, c'est-à-dire c'était tout le monde qui habitait au nord du Mexique, au sud du Canada et entre l'Atlantique et le Pacifique. Toute famille américaine était censée venir d'ailleurs. D'ailleurs, c'est pareil que les tribus indiennes, seul le lieu de résidence déterminait la nationalité. Alors, en même temps, chaque citoyen américain est très conscient ou était très conscient de sa double appartenance. Surtout s'il y avait une grand-mère qui rappelait ses racines en racontant des histoires d'autrefois ou en préparant un plat particulier ou en prononçant un aphorisme dans une langue étrangère que les enfants ne comprenaient pas ou même en feuilletant des albums de photos jaunies prises dans un autre pays. Alors aujourd'hui, le processus, ça se poursuit. Les immigrants arrivent au port de New York. Ils s'installent dans les quartiers qui sont maintenant les bas-quartiers. Et peu à peu, ils s'intègrent à la société américaine. C'est-à-dire qu'ils déménagent vers les gratte-ciels ou vers les banlieues. Et au siècle dernier, ce fut les Juifs d'Europe centrale, les catholiques venus d'Irlande, qui se sont installés dans le Lower East Side, dans le quartier qui est au bout de l'île. Et peu à peu, bon, les Italiens ont ouvert les restaurants, les Chinois ont ouvert les blanchisseries, les Irlandais sont devenus des policiers. D'ailleurs, dans West Side Story, Kropke, c'est un policier irlandais. Alors, ils déménageaient dès qu'ils commençaient à s'intégrer dans la société américaine. Mais maintenant, ce sont des Portoricains qui ont la nationalité américaine. Les Noirs, qui sont américains depuis bien plus longtemps, depuis des siècles, qui sont américains depuis bien plus longtemps que les immigrants de troisième ou quatrième génération. C'est eux, donc, qui habitent ces quartiers, le Lower East Side, ou alors le Upper West Side, qu'on appelle Harlem. Et chaque groupe a son territoire, est très sensible à tout ce qui est mobilité sociale. Et dans West Side Story, justement, nous voyons les Portoricains qui sont installés dans ce quartier. Nous voyons aussi les nouveaux arrivants qui s'installent là où s'étaient déjà fixés d'autres natifs du même pays. Et la lutte des classes, la lutte des clans, dans West Side Story, c'est entre les Portoricains et ceux qui sont naturalisés ou nés aux États-Unis, ceux qu'on appelle les citoyens de la première génération, tout comme Leonard Bernstein et Jerome Robbins, qui sont des citoyens de la première génération. Alors, quel est le problème particulier des Portoricains? Là où ça se complique, c'est que les Portoricains font valoir leur statut de citoyen américain, mais ils sont traités comme des immigrants nouvellement arrivés, sans statut et sans droit. Donc, les conflits entre les Portoricains et les autres citoyens, et ça c'est encore valable aujourd'hui à New York, c'est que ça vient d'une différence de race, de langue, de religion, de coutume, c'est-à-dire du racisme pur et simple. Il y a un climat de racisme et de haine, de colère et de violence encore aujourd'hui à New York, parce qu'il y a un problème politique. Et c'est un problème politique qui n'est pas prêt à être résolu, c'est-à-dire le statut de Porto Rico. Puerto Rico, c'est un Estado libre asociado, c'est-à-dire un État libre associé. Les Portoricains partagent la citoyenneté, la défense et la monnaie avec les États-Unis. Ils reçoivent une assistance annuelle, mais cela sans avoir pourtant à payer des impôts fédéraux. C'est un paradis fiscal. Maintenant, le problème, c'est que les Portoricains sont des citoyens américains, mais ils vivent dans la discrimination raciale et politique la plus pure, car ils ne peuvent pas envoyer des représentants au Congrès, ils ne peuvent pas participer au choix d'un président dont les initiatives les concernent directement. Donc, c'est une situation très frustrante pour eux. Est-ce qu'ils ne peuvent pas avoir de représentants au Parlement, par exemple? C'est pas un État, c'est-à-dire que Washington n'est pas prêt à en faire un 51e État, étant donné sa forte population, c'est-à-dire qu'il y a quand même 4 millions d'habitants sur l'île de Porto Rico. Les Portoricains auraient donc 2 sénateurs et 6 représentants au Capitole, donc plus que le Kansas, plus que l'Arizona, plus que le Colorado et plus que quelques-uns des 13 États fondateurs de l'Union. Donc il est hors question que Washington, surtout avec une administration de droite, décide de donner davantage de droits aux Portoricains qui ont le droit de voter s'ils habitent dans les États, les 50 États, depuis 1917. Mais il y a peu de chances pour qu'ils reçoivent aussi une aide fédérale plus importante. Alors si on revient aux années 50, puisque c'est la date imaginaire de cette comédie, qu'est-ce qui se passait avec les Portoricains? Alors justement, depuis 1917, c'est-à-dire le Jones Act, c'est quand on a fait de Porto Rico un territoire organisé mais non incorporé de l'Union des États-Unis. Il y a ceux qui veulent s'intégrer aux États-Unis, c'est-à-dire mettre fin à toutes les discriminations d'une possession d'un territoire, et à d'autres qui sont soutenus par Castro, donc par Cuba, qui veulent l'autonomie et l'indépendance. Donc, au début des années 50, il ne faut pas oublier que West Side Story a été présenté la première fois sur Broadway en septembre 57. Alors, au début des années 50, il faut savoir que les nationalistes portoricains ont tenté d'assassiner le président Truman, qu'en 1954, donc à peu près au même moment où Bernstein commençait à écrire la musique, ils ont tiré des rafales de mitraillettes de la tribune du Capitole, et encore aujourd'hui, ces personnes-là sont en prison. Donc, les immigrants qui voulaient s'intégrer à tout prix à ce pays de rêve et devenir 100% américains ne pouvaient pas supporter l'idée, c'est-à-dire donc les Jets, ne pouvaient pas supporter l'idée même que des Portoricains qui ont la nationalité américaine sans vraiment le vouloir s'opposent et s'attaquent aux institutions des États-Unis et veulent leur indépendance. C'était quelque chose que les immigrants ne pouvaient pas comprendre. Et c'est aussi vers les années 50 que les Portoricains débarquent, pour ainsi dire, à New York. Oui, justement, l'autre problème politique, d'abord il y a le statut politique de Porto Rico, l'autre problème politique c'est Manhattan. C'est-à-dire que Porto Rico, on l'appelle l'asile des pauvres des Antilles, parce que l'île souffre d'un manque de richesses naturelles, il y a uniquement la canne à sucre et une forte surpopulation, malgré d'ailleurs une mortalité infantile très très élevée, et un tiers des habitants au début des années 50 étaient en chômage. Donc pendant les années 50, par des centaines de milliers, ils quittaient l'île pour tenter leur chance aux États-Unis parce que c'était des citoyens américains. Donc ils se sont installés en Floride et à New York. Et je signale en passant qu'aujourd'hui, on a le même genre de problème avec les Haïtiens et les Cubains en ce qui concerne Floride, et toujours le même problème avec les Portoricains à New York. Donc, plus d'un million d'entre eux se sont installés à New York dans l'espace de 4 ou 5 ans, et ils se sont installés dans ce qu'on appelle les barrios. C'est le genre de ghetto, mais on les appelait les barrios, pour trouver le racisme, la haine, le chômage, la violence, tout ce qu'ils avaient quitté à Porto Rico. Donc, pendant les années 50, d'ailleurs, l'ancien gouverneur de Porto Rico a dit que notre patrie est composée de plusieurs îles, Porto Rico, Manhattan et Brooklyn. Alors, il y a justement un air célèbre dans West Side Story qui est America, où justement ces problèmes d'intégration sont parfaitement traités. D'un côté, les femmes qui rêvent d'une Amérique et de l'autre côté, les hommes qui refusent. Dans America, dans cette scène, on a le tableau de la condition des immigrés, des immigrants portoricains dans les bas-quartiers de New York. On voit la façon surtout dont les portoricains comprenaient leur propre situation. Alors effectivement, d'un côté, il y a le rêve de l'Eldorado, les rues pavées de l'or. De l'autre côté, la réalité, le racisme, la haine, la discrimination au travail et sur le plan social. Alors au début, c'est intéressant de voir un peu les paroles de Stephen Sondheim. Au début, Porto Rico est décrit comme une île d'ouragan, de surpopulation, où on doit toujours de l'argent parce qu'on n'a pas de travail, où il fait très chaud, où on n'a pas envie de travailler. Bon, ça, c'est le côté... on n'aime pas son pays, donc on est allé chercher autre chose à Manhattan. Mais à Manhattan, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, d'un côté, on dit, oui, on est libre à Manhattan. Oui, si on paie le prix. Bon. On peut acheter à crédit, oui, mais on nous fait payer deux fois parce qu'on est obligé de payer par les traites et donc on finit par payer deux, trois fois le prix d'origine parce qu'on est noir ou parce qu'on est portoricain. Bon, on peut acheter une machine à laver. Bon, oui, on peut acheter une machine à laver, mais que ça correspond très bien avec l'idée raciste qu'ont fait les Blancs en ce qui concerne les portoricains, que nous sommes sales. Bon, on peut aussi louer un appartement avec terrasse. Oui, mais il faut d'abord que tu perdes ton accent, parce que sinon on dira que c'est déjà pris. Oui, mais la vie est fantastique. Oui, si on est prêt à se battre. Et puis à la fin, ils disent oui, mais la vie est très bonne. Oui, si on est blanc. Alors, on a vraiment la mythologie de l'Amérique, formidable pays, et puis les deux réalités que les Portoricains comprennent en ce qui concerne leur vie à eux. Donc, ce sont des réalités très dures de la vie des minorités ethniques aux États-Unis. Et c'est pas très gai lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, en 1981, les programmes sociaux pour ces gens-là, pour les Portoricains, pour les Noirs, pour toutes les minorités ethniques, ont été complètement supprimés par l'administration Reagan. Et ça, dans le but d'équilibrer les budgets, Reagan a dit à la télévision que s'ils sont pauvres, c'est de leur faute. Il ne comprend pas donc ce racisme et cette haine et cette discrimination qui ne permet pas les choses d'améliorer. D'ailleurs, il y contribue parce qu'il a supprimé toutes les allocations. Donc cette chanson est encore d'actualité 25 ans plus tard, et c'est vraiment tragique. To keep clean. Skyscrapers bloom in America. Cadillacs zoom in America. Industry boom in America. Well, in a room in America. Lots of new housing with more space. Lots of doors slamming in our face. I'll get a terrace apartment. Better get rid of your accent. Life can be bright in America. If you can fight in America. Life is all right in America. If you're all white in America. America. San Juan. I know a boat you can get on. Bye-bye. And everyone there will give big cheers. Everyone there will have moved here. À propos de cette chanson « America », il faut dire qu'il s'agit là de la version du film. Dans la version de Broadway de 1957 et dans celle qui est présentée au Châtelet aujourd'hui, le point de vue critique sur l'Amérique, chanté par les garçons portoricains, n'existe pas. Pour les besoins du film, il y a eu effectivement des remaniements, dans la chorégraphie, dans l'agencement de certaines scènes, dans la musique elle-même, à l'origine écrite pour 25 musiciens, et plus encore, alors que la plupart des comédies musicales américaines étaient tournées en studio, West Side Story est tournée en grande partie en décor naturel du côté de Harlem. Avant le tournage, Ernest Lehman, le scénariste, et Robert Wise sont allés sur le terrain faire ce qu'on appelle un repérage, voir qui était dans leur milieu, ces Jets, ces Sharks, leurs conditions de vie, leur façon de parler, etc. Cette enquête nous a tellement passionnés, avoue Lehman, que finalement Bob Wise m'a dit: « Écoute Ernie, nous ne sommes pas là pour tirer des conclusions définitives sur le problème portoricain à New York. Nous devons faire une comédie musicale et nous avons déjà suffisamment d'éléments pour commencer. » C'est donc ce souci de réalisme qui fait que l'on a ajouté le point de vue des garçons portoricains sur l'Amérique. Il y a aussi peut-être un autre aspect à souligner. C'est que la conception de la pièce s'est faite autour des années 1955-56, c'est-à-dire l'époque où la commission des activités anti-américaines veillait, surtout dans les milieux du spectacle. Et la moindre critique du système américain ne pouvait venir que d'un communiste. Le film, au contraire, date des années 60, le début de ce qu'on a appelé les Kennedy Years, c'est-à-dire les années Kennedy. Kennedy qui combat les lois de 1952, qui détend le climat social, Kennedy qui travaille à la réédition de son livre « L'Amérique, une nation d'immigrants ». Ce qui nous ramène à notre sujet West Side Story, Harlem, quartier d'immigrants, où chaque communauté est séparée, Harlem où les bandes de jeunes se disputent la seule chose qui leur appartienne, un territoire dans la rue. Il y a des clans, des gangs, qui sont très importants. On a pu le voir d'ailleurs dans un film très récemment qui s'appelle Les Guerriers, où un clan d'adolescents essaie de regagner leur territoire, leur turf. C'est un mot qu'on entend aussi dans West Side Story, après un meeting au sommet dans le Central Park. Alors, ils se disputent un territoire, ils le défendent contre toute violence venue de l'extérieur, c'est-à-dire c'est eux qui sèment la panique. Et dans cette société de consommation, c'est la seule chose qu'ils possèdent, c'est leur territoire. Et chaque groupe a un blouson noir, un chapeau, une uniforme qui les distingue, un nom comme Jets ou Sharks. Il y a une hiérarchie, comme dans l'armée, ils ont leur chef, ils ont leur sergent, ils ont leur lieutenant, ils ont leur conseiller de guerre, ils ont leur conseiller chargé des armes, qui choisissent des armes avant les combats. Et donc, tout ceci, c'est encore très actuel. D'ailleurs, à New York, on voit les noms des gangs, on voit le nom de leur chef dans les inscriptions de graffiti sur les métros. Là aussi, c'est pour marquer un territoire, un peu comme un chien ou un chat marque son territoire pour montrer que c'est bien à lui. Et à la fin du premier acte de West Side Story, le rideau tombe sur une scène où il ne reste que deux victimes d'une lutte au couteau, une bagarre sans raison. Et vraiment, ça frappe très dur. Donc, le caractère de ces groupes, de ces gangs, de ces clans, est exprimé surtout dans deux scènes. D'abord, une scène qui s'appelle Cool, où on a des chansons, des danses, des dialogues qui montre la nécessité de cacher les émotions, de cacher les sentiments derrière un comportement artificiel où on est cool, où on est relax, D'ailleurs, le jargon dans West Side Story est un jargon des années 50, utilisé pour faire semblant d'être un dur, pour être un adulte, pour faire, oui, d'être dur, d'être grande. On voit Daddy-O, on voit Turn Off the Juice, on voit Punk. Punk, c'est un mot maintenant qui est passé dans le langage français, mais qui est dépassé en anglais, mais qui fait partie du vocabulaire des années 50. Play It Cool, c'est quelque chose qui date, c'est des années 50 en ce qui concerne le jargon, l'argot. Mais ce sont des termes pour faire bien, pour faire dur, pour cacher qu'on est sentimental. Et ça montre aussi qu'à New York, dans les quartiers durs, dans les bas quartiers, la personne émotive perd toutes les disputes et que nous vivons donc dans une époque où l'ignorance et le manque de sensibilité sont nécessaires pour réussir. Et quand les New Yorkais voyaient ça sur scène, c'était pas rien. You wanna live in this lousy world? Play it cool. I wanna get even. Get cool. I wanna bust. Bust cool. I wanna go. Go cool. Boy, boy, crazy boy. Get cool, boy. Got a rocket in your pocket. Keep cooly cool, boy. Don't get hot, 'cause man, you've got some high times ahead. Take it slow. Daddy-O, you can live it up and die in bed. Boy, boy, crazy boy. Stay loose, boy. Breeze it, buzz it, easy does it. Turn off the juice, boy. Go, man, go, but not like a yo-yo school boy. Just play it cool, boy. Real cool. Easy action. Cool it, A-Rab. Cool it, cool it. Cool boy, real cool. Il y a un problème de la délinquance juvénile dans West Side Story. Et Bernstein, Sondheim et Robbins ont dramatisé tout ce processus absurde que se met en route dès qu'on arrête un adolescent. C'est du sarcasme vraiment d'un très haut niveau. On a la notion que les aires de jeu sont pour éloigner les enfants dépravés des rues, que ce sont tous des malades mentaux, qu'ils ont une maladie sociale, et c'est vraiment ça qu'on voit dans cette scène de Officer Krupke. D'ailleurs, Officer Krupke, c'est un nom des migrants, c'est quelqu'un qui a réussi à s'intégrer dans la société américaine et qui veut aussi que... C'est quelqu'un qui veut que les adolescents se tiennent un peu tranquilles. Alors les adolescents, ils expliquent leur lot aux policiers avec le langage qu'il faut utiliser dès qu'on parle à un flic. Ils disent « notre famille, bon, ma mère est droguée, mon père est alcoolique, on n'a pas d'amis, on ne nous comprend pas ». Enfin, c'est exactement le langage un peu social qu'il faut utiliser quand on parle à un policier à New York. Alors lui, il dit « bon, on va expliquer ça au juge ». Bon, prochaine étape, quand on arrête un adolescent, on le présente au juge. Alors le juge, ils disent « nos parents nous traitent mal », c'est exactement ce qu'il faut dire à un juge. Ils ne nous laissent pas fumer la marijuana, où il y a beaucoup de marijuana dans la maison, donc le juge tout de suite comprend que ça ne va pas à la maison. Mais le juge, il dit « bon, vous êtes perturbé sur le plan psychologique, il faut que vous voyez un psychiatre ». Bon, ça aussi, c'est la façon dont ça se passe, même en France d'ailleurs, dès qu'il y a des problèmes de ce type. Donc, ils vont chez l'analyste. Bon, alors l'analyste, c'est une parodie vraiment invraisemblable parce que c'est le psychanalyste immigré de Vienne pendant les années 30-40. Il a l'accent autrichien avec vraiment, c'est poussé à l'extrême, son accent autrichien. Alors là, ils disent exactement ce qu'il faut dire au psychiatre. Le garçon dit « mon père bat ma mère me bat, mon grand-père est communiste ». C'est les années 50, hein, il ne faut pas oublier. C'est l'ère de macartisme. Alors donc, mon grand-père est communiste, ma grand-mère vend de la marijuana dans la rue, ma sœur a une moustache, mon frère porte une robe, donc c'est pas étonnant que je suis malade. Alors le psychiatre, il est tout à fait d'accord, mais c'est un psychiatre donc qui est migré, et là c'est une tendance qu'on voit chez les psychiatres et les psychanalystes des années 50, c'est-à-dire que ce sont des gens, des immigrés eux-mêmes, qui ont échappé à l'Holocauste, en venant aux États-Unis, donc ils ont adapté ce qu'on appelle la tendance culturaliste, c'est-à-dire que si on est malade, c'est parce qu'on ne peut pas s'adapter à la société américaine. Donc l'analyste, là, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il envoie voir un assistant social, car la violence, c'est une maladie sociale. Donc pour s'adapter à la société, c'est l'assistant social qui peut l'aider à trouver un boulot. Bon. Alors donc, ensuite, l'adolescent, après... Le policier, le juge, le psychiatre, il va voir l'assistance sociale. L'assistance sociale, qu'est-ce qu'il va répondre? Il va dire, bon, c'est sans espoir, ce garçon est mauvais, il faut l'envoyer en prison, il ne faut pas lui trouver un métier. Kindly Sergeant Krupke, you gotta understand, it's just our bringing up key that gets us out of hand. Our mothers all are junkies, our fathers all are drunks. Golly Moses, naturally we're punks. Gee, Officer Krupke, we're very upset. We never had the love that every child ought to get. We ain't no delinquents, we're misunderstood. Deep down inside us there is good. There is good, there is good, there is good, there is untapped good. Crack inside, the worst of us is good. That's a touching good story. Let me tell it to the world. Just tell it to the judge. Come on, you kindly judge your honor, my parents treat me rough. With all the marijuana, they won't give me a puff. They didn't wanna have me, but somehow I was had. Leaping lizards, that's why I'm so bad. Right, Officer Krupke, you're really a square. This boy don't need a judge, he needs an analyst's care. It's just his neurosis that ought to be kind. He's psychologically disturbed. I'm disturbed. We're disturbed, we're disturbed, we're the most disturbed. Like we're psychologically disturbed. Hear ye, hear ye. In the opinion of this court, this child is depraved on account of he ain't had a normal home. Hey, I'm depraved on account I'm deprived. So take him to a head shrinker. Come on, you dumb brother. is a bastard. My ma's an SOB. My grandpa's always plastered. My grandma pushes tea. My sister wears a mustache. My brother wears a dress. Goodness gracious, that's why I'm a mess. Yes, Officer Krupke, you're really a slob. This boy don't need a doctor, just a good honest job. Society's played him a terrible trick, and sociologically he's sick. I am sick. We are sick. In my opinion, this child does not need to have his head shrunk at all. Juvenile delinquency is purely a social disease. Hey, I got a social disease. So take him to a social worker. Dear kindly social worker, they say go earn some dough, like be a soda jerker, which means like be a schmo. It's not I'm anti-social, I'm only anti-work. Glory Oski, that's why I'm a jerk. Hey, Officer Krupke, you've done it again. This boy don't need a job, he needs a year in the pen. It ain't just a question of misunderstood. Deep down inside him, he's no good. I'm no good. We're no good. We're the worst. We're good. Like the best of us is no damn good. The trouble is he's lazy. The trouble is he drinks. The trouble is he's crazy. The trouble is he stinks. The trouble is he's growing. The trouble is he's grown. Krupke, we got troubles of our own. Gee, Officer Krupke, we're down on our knees. 'Cause no one wants a fellow with a social disease. Gee, Officer Krupke, what are we to do? Gee, Officer Krupke. Dans cette scène, on voyait le psychiatre, et comme tous les psychiatres de cette époque, avec un accent viennois bien, bien particulier. Et tout le long de la pièce, il y a toute une série d'accents, l'accent des Espagnols, où on essaye de bien parler anglais. Il y a tout un jeu sur les accents. Je sais qu'en ce qui concerne les accents viennois, mon grand-père gardait soigneusement son accent parce qu'il était très fier, et un certain nombre de son accent de Vienne. Et il y a beaucoup de portoricains qui veulent absolument pas perdre leur accent parce que ils sont fiers d'être portoricains, ils ont complètement raison. Et aussi les Russes, les émigrés russes, ils cultivent leur accent en anglais, c'est-à-dire qu'ils suivent des cours avec un professeur qui est américain mais qui est d'origine russe, qui a le même accent, donc il va leur apprendre à parler américain avec un accent russe. Donc ça fait partie de la culture américaine de garder son accent. Il faut pas oublier que à Manhattan, il y a plus de Siciliens qu'en Sicile. Donc, et qui ont gardé leur accent sicilien. Il y a plus d'Allemands qu'à Bonn qui gardent leur accent d'Allemand. Il y a plus d'Italiens qu'à Florence. Il y a plus de Portoricains qu'à San Juan. Il y a plus de Juifs qu'à Tel Aviv. Et il y a surtout beaucoup plus de protestants d'origine française qu'en France. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and bright, and I pity any girl who isn't me tonight. I feel charming, oh so charming. It's alarming how charming I feel. I'm so pretty that I hardly can believe I'm real. See the pretty girl in that mirror there. Who can that attractive girl be? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty face. I feel stunning and entrancing, feel like running and dancing for joy. For I know I am pretty, wonderful. Have you met my good friend Maria, the craziest girl on the block? Well, I feel pretty, oh so pretty, that the city should give me its keys. A committee should be organized to honor me. La la la la la la la la. I feel dizzy, I feel sunny, I feel fizzy and funny and fine. I'm so pretty, Miss America can just resign. La la la la la la la. See the pretty girl in that mirror there. What mirror? Where? Who can that attractive girl be? Which? What? Where? Who? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. I feel stunning. I feel stunning. And entrancing. And entrancing. Feel like running. Feel like dancing. Adore my poor love. I am pretty. Tout à l'heure, nous faisions allusion à la version cinématographique de West Side Story. Et en ce moment, sur la chaîne du Châtelet, donc West Side Story est présentée au public français. Richard Caceres, vous êtes le jeune assistant de Jerome Robbins et vous avez repris la chorégraphie originale. Ce qu'on voit au Châtelet, c'est le spectacle qu'on a fait en 57. Après, en 61, quand on a fait le film, ils ont changé beaucoup de choses du spectacle pour le faire pour l'écran. Voir une œuvre sur l'écran est beaucoup différent que le voir dans un théâtre. Il faut vraiment jamais attendre voir la même chose parce que ce sont deux arts complètement différents. Vous êtes donc l'assistant de Monsieur Robbins qui a fait la chorégraphie, mais d'après votre âge, j'imagine que vous n'avez pas connu la création à Broadway. Non, j'avais que 3 ans quand il a fait le spectacle à Broadway, mais j'ai vu le film quand j'avais 8 ans. Et c'était le film, vraiment. C'était la première fois que je savais que je voulais être danseur. Malheureusement, j'ai pas commencé jusqu'à 10 ans après cela. Quand j'avais 18 ans, j'ai commencé ici à Paris. Alors dans le film, les danses, les musiques sont très marquées par les années, disons, entre 50 et 60. Est-ce que vous restituez vraiment très fidèlement cet état d'esprit ? Absolument, il faut le faire et c'est pour ça qu'on ne peut pas refaire West Side Story parce que d'abord M. Bernstein a pris les idées pour la musique de l'époque et de la musique des gens de la rue de l'époque. Et alors ça, c'est très difficile à changer. Si on va changer West Side Story, il faut écrire une nouvelle danse dans le gymnase avec une musique un peu disco, parce que on danse pas comme ça maintenant. Il faut refaire la chorégraphie ensuite, parce que le blues et le jump qu'on a fait à cette époque, on fait pas plus. C'est une chose très difficile pour nous, c'est de garder cette authenticité dans un style de danse sociale qu'on ne fait pas maintenant. Moi, je n'ai jamais fait le jump quand je sors. Il fallait apprendre comment le faire et regarder des films des jeunes gens de 1950 en dansant ça pour attraper un style qu'on n'a pas maintenant. Et c'est difficile pour la compagnie de garder ça aussi. Le lindy, c'est quelque chose qu'on ne fait pas maintenant, et spécialement dans le style de gang de cette époque. Parce que chacun, comme ça, a son propre style. Est-ce que vous avez eu des problèmes de recrutement de la troupe? Comment ça s'est passé? Pour avoir tous les comédiens et pour les rôles? Oui. D'abord en 1979, quand Robbins a commencé à refaire le spectacle, ils ont passé vers 6000 personnes pour les auditions. Parce que ce spectacle, nous avons besoin des jeunes d'abord, qui ont au plus 25 ans et qui donnent moins que ça. Qui dansent incroyablement. Ils doivent être des danseurs, mais des danseurs qui sont dans des compagnies de classique, de ballet, ou des bons danseurs. En plus, ils doivent savoir chanter et faire la comédie comme un comédien. Mais à 18 ans, à 20 ans, à 23 ans, si on arrive à réussir à faire quelque chose, c'est pas du tout de... On travaille 8 ans pour être un danseur seulement, ou 8 ans, ou 5 ans pour être un bon chanteur, ou 5 ans pour être un bon comédien. Et à 25 ans, c'est très difficile à trouver des gens qui peuvent faire les trois. Et spécialement, une chose du spectacle qui est beaucoup différente du film, il faut le faire chaque jour. On ne peut pas prendre une prise seulement une fois et prendre quelqu'un et de le montrer, le faire bien, comme tu veux le faire, qu'il le fasse, et de prendre ce parti-là, qu'il le fait une fois seulement. Vraiment, quand on le fait dans le spectacle, ça doit arriver tous les soirs. Alors c'est beaucoup différent et c'est beaucoup plus difficile être comédien sur scène et jouer cette pièce sur scène que de jouer dans le film. Quel rôle tenez-vous dans la pièce ? Moi, je danse pas dans la pièce tous les soirs, je dois dire. C'est moi qui dirige, qui fait la mise en scène, qui tient la chorégraphie et que ça marche. Mais de temps en temps, il arrive que nous avons deux swing boys. Les swing boys sont les gens qui en remplacent. Et de temps en temps, il arrive qu'il y a trois personnes malades ou qui sont pas là. Et à ce moment-là, moi, j'entre dans n'importe quel rôle qui manque. Et je fais plusieurs. Donc, sur scène, à la fois on danse, et on chante et on joue la comédie. Ça demande, j'imagine, une performance particulière. Un danseur s'essouffle, mais c'est difficile de chanter juste après. Est-ce que vous avez ce problème? Oui, spécialement après Cool, qui c'est la danse plus difficile du spectacle. C'est vraiment très dur à chanter, justement. On chante immédiatement après cette balle. Et je me rappelle la première fois que j'ai fait ce bal sur scène, j'ai pas dit les premiers 10 mots. J'étais comme ça. Mais on s'habitue et on monte. Et maintenant, je peux le faire comme n'importe quel jour. Anita aussi doit chanter et danser incroyablement pendant America. Et c'est difficile, ça. Mais c'est ça l'art, c'est ça notre travail, alors on le fait. Pour moi, c'est la chose excitante du théâtre. Et aujourd'hui, est-ce que vous allez reprendre la pièce à Broadway même? Non. Dès qu'on rentre aux États-Unis, West Side Story sera terminée. C'était en quelque sorte une version pour l'Europe? Oui. C'était parce que c'était le temps de l'amener ici, évidemment. When you're a jet, all the way from your first cigarette to your last dying day. When you're a jet, if the spit hits the fan, you got brothers around, you're a family man. You're never alone, you're never disconnected. You're home with your own, when company's expected. You're well protected, then you are set with a capital J, which you'll never forget till they cart you away. When you're a jet, you... Now I know Tony like I know me, and I guarantee you can count him in. In, out. Let's get cracking. Where you gonna find Bernardo? At the dance tonight at the gym. But the gym's neutral territory. Ooh, I'm gonna make nice with him. I'm only gonna challenge him. Great, Daddy-o. So everybody dress up sweet and sharp. Meet Tony and me at 10. And walk tall. We always walk tall. We're jets. The greatest. When you're a jet, you're the top cat in town. You're the gold medal kid with the heavyweight crown. When you're a jet, you're the swinginest thing. Little boy, you're a man. Little man, you're a king. The jets are in gear. Our cylinders are clicking. The shops are steered clear, 'cause every Puerto Rican's a lousy chicken. Here come the jets like a bat out of hell. Someone gets in our way, someone don't feel so well. Here come the jets, little world, step aside. Better go underground, better run, better hide. We're drawing the line, so keep your noses hidden. We're hanging a sign, says visitors forbidden, and we ain't kidding. Here come the jets, yeah, and we're gonna be every last bargain gang on the whole bargain street, on the whole. West Side Story a été présenté 4 fois sur Broadway, entre 57 et 68. La première fois, donc, c'était en septembre 57. Et en 68, il y avait des critiques, dont Saturday Review, qui a dit que ça fait 10 ans et cette comédie musicale a énormément vieilli. Les expressions d'argot, ça appartient à des clans de jadis. Ça n'a plus rien à voir avec l'explosion des manifestations pour les droits civiques d'aujourd'hui, c'était en 68. Même le rythme, les danses appartiennent à un autre âge. La seule chose qui reste, d'après eux, c'était l'importance sur le plan théâtral, surtout la danse. C'était la danse qui frappait, c'était la chorégraphie, beaucoup plus que la musique de Bernstein. Donc c'était du danse-drama. Et en 1981, c'est-à-dire 25 ans après la création sur Broadway, le West Side a beaucoup changé, ça veut dire le West Side de New York. On est en train de construire une énorme autoroute qui s'appelle Westway, qui va coûter des millions et des millions et des millions de dollars. On est en train de déménager les Puerto Ricains. Alors, ça reste d'actualité parce que, surtout avec la suppression des programmes sociaux par l'administration Reagan, la discrimination, la haine, la violence, la colère et surtout le racisme, ça reste entier. C'est un problème d'actualité, je dirais d'actualité brûlante, et je me demande même si on s'aventurerait de présenter cette comédie musicale sur Broadway actuellement. A boy like that will kill your brother. Forget that boy and find another. One of your own kind, stick to your own kind. A boy like that will bring you sorrow. You'll meet another boy tomorrow. One of your own kind, stick to your own kind. A boy who kills cannot love. A boy who kills has no heart. And he's the boy who gets your love and gets your heart. Very smart, very, very smart. A boy like that wants one thing only. And when he's done, he'll leave you lonely. He'll murder your love, he murdered mine. Just wait and see, just wait, Maria, just wait and see. Oh, Anita, no, Anita, no. It isn't true, not for me. It's true for you, not for me. I hear your words and in my head I know they're smart. But my heart, Anita, but my heart. A boy like that knows they kill your brother. Get that boy and find another. C'était West Side Story par Jean-Louis Cavalier dans le Lyriscope, diffusé la première fois le 22 novembre 1981 sur France Culture.